Force ennemie, deuxième partie, chapitre 6. Quinze jours plus tard, je n'ai plus à la jambe qu'une cicatrice presque indolore. Je fais ma première sortie accompagnée de Léonard et guettée par une vraie brigade volante. Mon gardien marche à côté de moi. Deux infirmiers nous suivent à courte distance. Deux autres me guignent au détour d'une allée et Ozu, l'ex-incendiaire, apparaît de temps à autre sur notre chemin. Je passe devant la fenêtre de celle que je n'ai plus revue quand je heurte presque le docteur Froin qui sort du bâtiment des femmes. « Que cherchez-vous par ici ?» me dit-il avec un peu de brusquerie. Il fait un geste, les gardiens tournent les talons, Léonard s'éloigne un peu et Ozu s'évanouit comme une ombre. « Je crois bien agir en vous parlant comme je vais le faire, » reprend le docteur, « car en vérité, je vous crois souvent tout à fait raisonnable, en dépit de vos rechutes. » Vous êtes de ces névropathes plus nombreux qu'on ne se le figure, qui assistent à leurs propres exploits et les déplorent sans pouvoir se maîtriser. L'accès de perversité passé, ils s'épouvantent des sottises qu'ils viennent de commettre sans avoir, un instant, cessé de se voir en scène, jouant leur rôle insane, tyrannisés par une sorte de volonté parasite qui annule pour des heures leur libre arbitre. Il n'y a chez eux aucune inconscience, et ils sont plus malheureux que les autres. Ils sont le plus souvent assez intelligents, et je suis persuadée qu'on peut les guérir en ne craignant pas de leur parler de leurs erreurs, en s'occupant énergiquement de redresser leur bon sens qui n'est que faussé. Et je l'entends murmurer. « Oui, les lésions, mais cela n'explique pas tout. »« Eh bien, continue-t-il tout haut, sachez que vous ne trouverez pas ce que vous cherchez par ici. La personne que vous avez le grand tort de vouloir vous concilier, que sais-je, n'est plus dans l'établissement. Peut-être vous rendrai-je service en vous disant ce qui est arrivé. Tout au moins, mes paroles seront-elles pour vous matière à réflexion. Le scandale que je craignais après votre agression n'a pas éclaté, préférant sans doute les bénéfices d'un habile chantage au plaisir de fournir gratuitement de la copie aux journalistes de Dieppe. Et d'ailleurs, les cousins du sieur Bidôme ont été tout simplement trouver monsieur le tellier. Cet homme, moins sot qu'il ne m'avait paru, et assez influent, a eu bien garde de provoquer le moindre éclat. Il a été assez fin pour savoir à qui s'adresser, et quelques jours après le malheur, je recevais de qui de droit, de l'éternel qui de droit, une note courtoise, mais rédigée en termes dépourvus d'ambiguïté, m'enjoignant de me défaire au plus tôt d'un établissement dirigé d'une façon trop aimablement fantaisiste. Et je suis en pourparler avec diverses personnes. Le changement de direction n'est qu'une affaire de jour. Je m'en irai presque satisfait, car si la cession de Vasseto, en de pareilles circonstances, entraîne des résultats pécuniaires dont je serai médiocrement charmé, j'aurai conscience de n'avoir pas été complètement inutile pendant 35 ans de ma vie. Je devrais même me féliciter de prendre ma retraite au moment où la mollesse de la direction et le manque de surveillance effective, conséquence de mon fâcheux état de santé, risquent de ruiner la réputation de la maison de Vasseto. Quoi qu'il en soit, au moment où je finissais à peine de déguster la saveur finement amère de la prose officieuse, monsieur le tellier s'est présenté dans mon cabinet, escorté de deux jeunes médecins aliénistes dûment autorisés. Ces praticiens et leurs clients m'ont fait passer l'heure la plus désagréable de mon existence. Leur politesse plutôt ironique, la minutie de l'interrogatoire qu'ils m'ont fait subir, la dureté de leurs appréciations et leur parfait dédain nullement atténué par une phraséologie faussement respectueuse pour un vieillard très fatigué, tout cela m'a atteint au plus profond de moi-même. J'aurais préféré des brutalités, des gifles, des coups de pied reçus en public. Quand nous nous sommes trouvés dans la chambre de la malade, cause innocente de tant d'événements regrettables, j'ai cru un instant que j'étais un lâche bourreau et que mes trois visiteurs représentaient de généreux mais féroces héros de mélodrame. Peut-être même des anges vengeurs, trop bien peignés et atrabilaires. Après que les deux très jeunes docteurs eurent causé 20 minutes avec l'interné, la questionnant de la façon la plus hypocritement insultante pour moi, le plus solennel de la paire, orné de lunettes d'or de forme chinoise et prématurément décoré, se retourna vers moi et me décocha non sans véhémence. « Mais monsieur, cette dame jouit, à l'heure présente, de tout son bon sens. 20 ans d'amicales relations quotidiennes avec elle ne sauraient mieux m'asseoir dans mon opinion que les phrases très caractéristiques dont je viens d'être l'auditeur attentif. Comment se fait-il, monsieur, que vous n'ayez pas eu tout au moins des doutes? Et la guérison ne date pas d'hier. Je ne me permettrai pas, certes, de vous taxer de légèreté. Mais il y avait là un cas de conscience, monsieur, un cas de conscience. Ne pouviez-vous avertir, monsieur Letellier, du mieux que vous avez dû, tout au moins, constater chez madame? Car alors, enfin, dans le cas contraire, que devrions-nous penser? Excusez-moi de vous parler avec cette chaleur. Je sais ce que je dois d'égards à votre longue, longue carrière, aux épuisantes années de surmenage qu'elle représente. Mais avez-vous songé à votre responsabilité? Un médecin aliéniste ne doit perdre de vue aucune de ses pensionnaires. Oh, je ne m'oublierai jamais jusqu'à blâmer. Je constate respectueusement et regrette d'avoir à constater. Monsieur Letellier a pâli de colère. « Comment, docteur? Ma femme est guérie et je n'en savais rien. » Puis il est redevenu sarcastique. « C'est un établissement privilégié que celui-ci. Tout y finit bien. Les accidents qui pourraient avoir ailleurs les plus fâcheuses conséquences déterminent ici les réactions les plus heureuses. Je sais ce que vous allez me dire, monsieur le docteur Froin. Vous aviez prévu le résultat favorable de cet accident, de cette expérience plutôt, car c'est une expérience, n'est-ce pas? J'ai tenté de faire comprendre à ce monsieur qu'il ne savait pas garder jusqu'au bout les apparences de la politesse et qu'il m'injuriait à présent. Mais j'en ai été pour mes peines. En termes un peu plus réservés, peut-être, il m'a dès lors harcelé avec des raffinements d'élégante barbarie inconnus de mes deux jeunes confrères eux-mêmes. À une question posée par lui, la malade, car je crois à une crise de lucidité, mais non à une guérison, la malade a répondu qu'elle ne voulait plus rester dans la maison de santé. Mais que, connaissant l'horreur de M. Letellier pour le bruit, elle avait résolu d'attendre, sans dire un mot, la visite mensuelle de son mari. Elle n'aurait même pas alors raconté ce qui s'était passé, n'ayant aucun désir de me nuire, bien au contraire, mais se fut sentie certaine, en tout cas, de prouver que sa libération s'imposait. N'était-elle pas complètement remise des troubles mentaux qui avait nécessité son internement? Malgré mes doutes, que se refusèrent à partager mes deux confrères qui l'avaient vu, en tout, un peu moins d'une demi-heure, je me vis forcé de signer l'exéate séance tenante. Voilà tout. J'essaie de témoigner au docteur tout le repentir que j'éprouve du mal que je lui ai fait sans le vouloir. Mais le brave homme m'impose silence et se déclare maintenant ravi d'être débarrassé bientôt d'une charge trop lourde pour lui. Son visage affecte même une telle expression de soulagement, de béatitude, que j'y suis presque trompée. Quoi qu'il en soit, je saisis que trop d'insistance pourrait devenir de la cruauté. Et cette fois, le mal est sans remède. Comment ferais-je plus tard pour, délicatement, obliger le docteur à accepter une compensation de nature encore peu facile à déterminer? Puis voici qu'une nouvelle angoisse s'empare de moi. Non seulement je me désespère de penser qu'Irène est partie, et par ma faute, à la suite de mon crime, dirais-je presque, mais encore je suis épouvantée en songeant à ce qui peut lui arriver maintenant sous la coupe du sieur Le Tellier. Et j'abuse de la bonté du père Froin en lui posant cette question. « Mais docteur, savez-vous si cette pauvre femme ne va pas souffrir beaucoup et à cause de moi ? Il me semble avoir entendu dire, naguère, que son mari était un assez odieux personnage. On aura exagéré. Il est très populaire dans l'arrondissement, si populaire qu'il pose, pour la première fois, sa candidature aux prochaines élections législatives, sans concurrent. C'est justement pour cela qu'il ne veut pas d'histoire. C'est son mot, pas d'histoire. Et bien qu'il ait été très désagréable envers moi, je ne le crois pas méchant. Dame, il avait ses raisons de m'en vouloir. Je sais me mettre à la place des gens. » Populaire dans son arrondissement. Naïf père Froin, cela ne dit-il pas tout? C'est évidemment un bandit. Le docteur Froin va me quitter, et bien que me poursuive la triste et pensive vision d'une Irène déjà débile et consomptive, tyrannisée et maltraitée par l'affreux Le Tellier, que je pars de toutes les hideurs, un politicien sympathique, je ne puis retenir une seconde question tout à fait étrangère à ce qui préoccupe. Ce serait à croire que Kmoroun est revenu en moi. Je suis tout surpris de m'entendre dire. Le nouveau médecin adjoint n'arrive toujours pas. Mais que sera-t-il advenu de son prédécesseur depuis que vous l'avez remercié? Le directeur a une moue contrariée. Il m'observe une minute sans parler, puis il paraît céder à une force irrésistible. Et, haussant les épaules, il laisse échapper ces mots. « Monsieur Bidôme, oh, il restera ici plus longtemps que moi, mais ce n'est pas un bonheur pour lui. Voulez-vous le voir ?» Mon premier mouvement me porte à répondre « Non, mais je me ravise, encore à Vasseto. Mais alors, il est interné, malade ?»« Ah oui, certes, je voudrais le voir un instant. » Ai-je la bassesse de me sentir vengée ?« Eh bien, venez !» Le docteur Froin semble, pourtant, encore hésiter. Mais on croirait qu'un argument lui est brusquement suggéré par qui ou par quoi ? Par la force ennemie ? Et il prononce comme inconsciemment. Après tout, comme vous étiez l'un des malades qu'il aimait le moins, cela veut dire, bien sûr, qu'il détestait le plus, est-il impossible que votre vue, en l'encolérant, en l'arrachant une seconde à ses ennuis actuels, produise en lui une excitation salutaire? Allons, toujours les contradictions. L'hésitation, comme dit Léonard, dangereuse pour moi, sera favorable au Bidôme que, décidément, le docteur a consenti enfin à reconnaître archi fou. et, au fond, cela flatte ma prédilection pour la théorie des cas particuliers. Je ne puis souffrir les médecins qui, pareils à Bidôme, justement, n'admettent qu'un seul moyen curatif pour un mal déterminé, sans tenir compte du tempérament spécial du sujet. La cure disciplinaire, quoi. Nous voici de retour au bâtiment que j'occupe, mais nous y pénétrons par un couloir fort éloigné de celui qui conduit à mon escalier. Nous montons un étage. Le docteur appelle « Machebourg !» Et l'un des colosses qui m'ont, l'autre jour, témoigné quelque pitié, sort d'un réduit pareil à celui où dormait naguère Léonard et nous ouvre la porte d'une chambre spacieuse dont m'éblouissent les boiseries miroitantes au-dessus des capitonnages habituels. Un spectacle héroïcomique nous y attendait. Monsieur Bidôme, beauté, porteur de faux éperons de cuir taillés en étoiles, cravache en main, se figure faire caracoler une étroite table munie d'étriers en corde. Le docteur Foin s'approche de lui, le félicite sur sa bonne mine, il est vert de gris, et lui demande si tout marche à son gré. « Mon Dieu, tout irait le mieux du monde si ma profession de médecin équestre n'était pas des plus éreintantes. L'appétit se maintient ? C'est mon cheval qui mange tout, mais ça me produit le même effet. C'est omnivore, un cheval, mais coûteux. Je vais essayer de l'automobile. Bon, vous ne vous ennuyez pas? Vous ne voudriez pas lire, par exemple? Je n'en ai pas le temps. L'exercice de mon art dévore tous mes loisirs. Avec un canasson et des malades à droguer, à purger, à fustiger, on n'a plus un moment à soi. À chaque minute sur la route, c'est une bonne femme qui me demande une consultation. Je la donne à cheval, tout plutôt que de descendre. Les bonnes femmes, ça a toujours mal à des tas d'endroits dégoûtants. Ça finit par me répugner, si bon et si humain que je sois. Seriez-vous content de voir une ancienne connaissance à vous? Ça dépend. Un malade? Oui. Eh bien, amenez-le. J'ai justement un lot de moxa dont je ne sais que faire. Y aura-t-il à charcuter aussi? J'adore ce sport-là, parce que je n'y connais rien. Je suis pas un chirurgien, moi. Je suis à peu près sûr d'estropier le salopio de patient. Quelle race! Faites-le venir, cet individu. Le voici. Tiens, je n'avais pas encore remarqué sa hure repoussante. Je le prenais pour un gardien. Mais c'est ça, c'est bien ça. Une gueule de malade. C'est bien l'espèce. Mais au fait, c'est Schnafouya, le jeune corsaire de lettres, de son autre nom Nijo, Blimbloum mécanique. Vous n'y êtes pas, c'est Monsieur Veuly. Ah, le chameau, charmant garçon du reste. Votre langue, mon ami, c'est 3 francs. Nous allons nous purger, mon cher enfant, avec du sublimé corrosif, du vitriol et de la crotte de chien. Il me regarde fixement, cherchant à se rendre compte de quelque chose qui lui échappe. Son œil devient tour à tour furieux et perplexe. Veuly, Veuly, ou plutôt Agénor Biscaillou, vous ne savez pas, vous, ce que c'est qu'un médecin. Je ne voulais pas, moi, être médecin. Ce que j'en ai reçu des beignes étant gosse, des pâteaux aux femmes démolir le crâne. Mon père avait son idée. Il aimait les drogues, lui. Il voulait m'en faire fourrer aux gens. Un philanthrope, je vous dis. Fichu espèce que les philanthropes. Comment j'ai eu mes bachots? Mystère, je n'apprenais rien. Un vieil imbécile nommé Froin. Pas vous, docteur Grabouillot, pas vous. Non, un sale médecin de fou, cet idiot de Froin. Payez mon collège pour poser, pour faire le généreux. Ah, le vilain mufle, mon père jubilé, moi pas. Et qu'est-ce que je me suis embêté à Paris, dans ce fichu quartier latin, où l'on ne peut pas rosser les gens sans aller au violon? Je n'ai commencé à aimer la médecine que quand j'ai bien compris qu'un docteur a le droit d'embêter ses malades, de les pousser à l'exaspération, même de les empoisonner un peu sans que personne se rebiffe. Les demi-cadavres ou leurs abrutis de parents, et ce pourceau de foin qui paye toujours, ça lui donnait des gants à cet engraissé, et qui me colle de force avec les fous, les cochons de fous. Ça ne consomme pas assez de produits chimiques vénéneux, les maboules. Tant pis, j'ai encore administré pas mal de bouillon d'onzeur à ces estropiés de cervelle, à ces déchets humains, à ces dégénérés qui retournent à la bête. Et je procédais tout doucettement. Personne ne s'est jamais douté de rien. Froid, moins qu'un autre, le souriant, le bonasse, l'hypocrite hydrocéphale. Le docteur ne sourcille pas. Il me dit à voix basse. Vous voyez, il est complètement parti. Un garçon qui, dans son bon sens, avait pour moi une affection touchante. Je suis fou, c'est possible, mais je vois, oui, je vois plus clair que le père Froin. C'est triste à dire, mais il y a de braves gens dont la bonté mériterait des châtiments, des coups. Et ils les reçoivent parfois sans s'en apercevoir. Profitant d'une distraction du directeur, qui paraît plongé dans des réflexions assez peu gaies, Bidôme me fait signe de m'approcher, et j'obéis machinalement, ne m'apercevant de mon imprudence que trop tard. Il me convient bien de blâmer le docteur Froin, qui a, lui du moins, l'excuse d'une bonté exagérée. Trop tard, car Bidôme a déjà saisi mon poignet et le maintient avec une force décuplée par la folie. Il me souffle dans l'oreille. « Veli, saligaud, cafouillon, il croit que je ne vous reconnais pas, le gros imbécile. Tenez, est-ce que je vous reconnais ?» Je reçois un choc violent dans le dos, violent et douloureux. La souffrance me communique une vigueur inhabituelle à moi aussi. Je me dégage et, d'un coup de pied, envoie sur le parquet les quatre fers en l'air, le Bidôme qui grogne comme un pourceau. Tout cela s'est passé si vite que le docteur Froin n'a pas eu le temps d'intervenir. Déjà l'aliéniste dément s'est remis debout, brandissant un énorme clou rouillé. La rouille et l'épaisseur de ma jaquette m'ont épargné une vilaine égratignure. Machebourg est accouru au bruit et a quelque peine à s'assurer de la personne du gnome qui jette son clou, mais veut lutter avec le gardien, l'empoignant à la taille et cherchant à le soulever pour le tomber. Quand il voit qu'il n'aura pas le dessus, Bidôme lâche prise, échappe à Machebourg et se roule sur le plancher. Il mord les pieds de la table qui lui a servi de monture et que sa chute a renversée, envoie des ruades dans le vide et se roule encore en poussant des cris de peau rouge. Machebourg finit par s'emparer de lui et, avec l'aide d'un autre gardien qui attendait, posté dans le couloir, fait endosser au furibond une coquette camisole de force. Deux jours plus tard, comme j'arrive au pavillon des bains, dans la nouvelle salle, j'ai la surprise de retrouver mon Bidôme, calme et noble, vêtu d'un simple caleçon couleur sang de bœuf et commandant la manœuvre à des infirmiers qui l'arrosent avec mesure et parcimonie. « Un tout petit jet, comme pour un enfant. Je suis délicat des omoplates, » déclare-t-il. « Mes tas de bougraillons, ils sont deux, vous m'enlèverez la peau des côtelettes. Attention, je me retourne. Ménagez les lombes également. Maintenant, de l'autre bord, pas trop fort sur les reins. Là, là, cochonouillard, je ne vous dis pas de me viser le coccyx, ni surtout de me le dévisser. » Oh, l'anatomiste. « Je n'en ai pas de rechange. Maintenant, tirez la ficelle. » Petite pluie d'été sur le crâne. Petite pluie, crapouillot. On ne vous demande pas un déluge. L'appareil n'est guère plus puissant qu'un vaporisateur. On ne douche pas le redoutable Nabo. Les gardiens ont encore peur de lui. L'ex-aliéniste fait de l'hydrothérapie à son gré, tout bonnement. « Assez. Vous donnerez au malade 2 litres de bon Bourgogne, un gigot entier bien saignant et 12 douzaine de pêches. Après cela, café et fine. C'est le petit bidôme, mon loufoque de prédilection, un délicieux toquet que je guérirai en 6 semaines. Il faut me le soigner gentiment, ou je vous fiche à l'eau à la grenouillarde. » Il se tapote l'occiput avec précaution et amour. Je suis touchée de sa tendre affection pour lui-même, et les infirmiers n'osent pas trop rire. Mais une porte s'ouvre, un personnage ni jeune ni vieux, 40 ans peut-être, grand, maigre, blême, à face de bedeau ou de surveillant de lycée vieux jeu, tout rasé, le nez en bec de canard, l'œil hypocrite et fouilleur, le menton en crosse renversée, fait son entrée, un gros bouquin sous le bras gauche, un trousseau de clés monstrueuses à la main droite. Tout est noir dans son costume, depuis sa cravate jusqu'à ses guêtres de drap terne qui mettent en valeur l'hypnotisant vernis de cirage d'interminables souliers larges et plats. C'est le nouveau médecin adjoint, arrivé de ce matin. 2 heures après son installation, il connaissait tout dans l'établissement. Les malades, les gardiens, les infirmières, les terrains, les dépendances, et un certain plissement de ses lèvres disait qu'il avait aussi son opinion faite sur tout, plutôt défavorable. Il m'a consacré un peu plus d'une minute, je dois être un cas intéressant, et m'a tenu ce bref discours. Trop de liberté. Je sais beaucoup de choses sur votre compte. Trop de liberté. Mauvais système. Nous modifierons. Après quoi, ses yeux sournois ont pris de mon individu une sorte de photographie. Et quand il a été bien sûr qu'il me savait par cœur, depuis la cicatrice de mon sourcil gauche jusqu'à l'oignon qui déforme ma bottine droite, il m'a tourné le dos et a enjoint à Léonard, présent à la scène, de l'accompagner un instant. Dans le couloir, il a parlé bas à mon gardien, qui est rentré avec une figure préoccupée et m'a témoigné, pour la première fois, de la méfiance et presque de l'antipathie. Le nouveau médecin adjoint, de plus en plus surveillant de lycée, secoue son effrayant trousseau de clés en marchant. Il fait évidemment une seconde ronde, la tournée d'après-midi. Oh, il est actif, l'adjoint. Si l'on peut dire sans impiété qu'un établissement comme celui-ci a connu une période heureuse, il est aussi loisible d'affirmer que les beaux jours de Vassetto sont finis. L'homme aux guêtres noires va droit aux infirmiers et, d'une voix glaciale qui me fait peur, oui, peur, à moi, malheureux dément lucide, mais impressionnable comme un gamin. « Ce sont les malades qui commandent ici. Oh, il faut que ça la change. Vous m'entendez, gardien ? Si vous vous montrez servile envers quelque pensionnaire que ce soit, je vous ferai chasser et sans certificat. Douchez le patient. Mais, docteur, douchez le patient. Pas là. Mettez-le sous l'appareil neuf. Pas de pluie. Enlevez-moi cette pomme d'arrosoir. La colonne d'eau. Et vite. » Il y a une courte lutte entre les gardiens et bidômes. Attachez-le au montant de fer. Cordé. Cordé. N'ayez pas peur. Ordonne le médecin adjoint. Je me sauve pour ne plus voir ni entendre l'infortuné bidôme. Il a eu comme une lueur d'intelligence dans l'œil, s'est mis à trembler affreusement de tout son pauvre corps nu, puis a positivement beuglé. La semaine suivante, le docteur Froin est parti. Je n'ai plus d'amis dans la maison que Léonard, car je ne puis guère compter sur Magne, ni Joe et les autres membres du club des philosophes. Ce sont des prisonniers comme moi, des êtres en tutelle, des âmes des limbes. Ils ont de bons sentiments, comme les autres hommes, mais ils sont trop pareils à moi. Tout chez eux est à l'état vague. Aujourd'hui, on les trouvera pleins de sens, on les prendrait pour des sages de la Grèce. Demain, plus sérieux que jamais d'apparence, ils seront travaillés des manies les plus puériles. Ne sortant presque plus de ma chambre, je les vois de moins en moins. Puis ils m'attristent et je les attriste aussi sans doute. Léonard, souvent chapitré par le docteur Barouge, le médecin adjoint, devient une espèce de geôlier caricatural, peu hostile encore, mais une idée méprisant, qui m'épie parfois comme si on lui avait prédit quelque mauvais tour de ma part. Tout est contre moi. Le nouveau directeur, le docteur Lelancier, obéit à Barouge au doigt et à l'œil. C'est un assez gros homme jaune à figure féroce. Il est emporté, criard. On jurerait qu'il va tout abattre, mais il craint comme le feu son adjoint, le sachant l'homme des caciques, le poète d'un Allah, chef de division, ou mieux. Léonard, dans l'un de ses bons jours, on les compte à présent, m'affirme que par tout l'établissement règne la terreur, non pas rouge, mais barouge. 6 gardiens et 4 infirmières ont été renvoyés. Dans le nombre se trouvait mademoiselle Bouffard, surprise par le médecin adjoint au moment où elle parlait d'aller licher un godet. Pauvre Célestine, pourquoi dire quand il était si simple de faire? Le surlendemain, le même Léonard me demande si je ne veux pas prendre de l'exercice, étant donné que depuis mes crédits, je n'ai pas secoué la poussière de ma camphouine. Il ajoute qu'ici il me propose un tour de balade, c'est parce que la chose m'est strictement interdite. Mais, conclut-il, je suis en pleine insurrection. Et puis, Bas-Noir et le dragon, nos deux tyrans, sont occupés à enquêter dans le bâtiment des femmes, rapport à des articles d'habillement disparus. Ils en ont au moins pour 2 heures, et en 1 heure et demie, on peut, déjà, se donner de l'air. Ça va-t-il? J'accepte avec satisfaction. Et bientôt nous admirons dans les terrains les travaux variés d'une troupe d'agriculteurs semblables à des crétins du Valais, allégés de leurs goîtres. « Nous revenons-y par les agiter ?» me demande mon gardien. « Pourquoi faire ? Il y a du nouveau, c'est embelli. Allons-y. » Quand nous pouvons contempler la lugubre bâtisse, je ne constate aucun changement. Et fait part de mon observation à mon gardien. « Que si, que c'est bien mieux que l'autre fois !» me répondit-il. « Ça s'est enrichi d'un chouette ornement !» J'ouvre des yeux qui deviendraient certainement énormes si la nature le leur permettait. Je n'aperçois que mes 2 danseurs, jamais revus depuis 6 mois. Ils sont à peu près calmes aujourd'hui. Et leurs gambades n'ont rien de vertigineux. L'un donne des coups de genoux au barreau de sa grille, ce qui ne l'empêche pas d'exécuter en même temps un pas de gigue peu frénétique. L'autre semble plutôt saboter une bourrée. Il glousse un petit rire que l'on dirait sarcastique. Tous deux bavent avec douceur. Remuchez donc à gauche, fait Léonard agacé. Vous allez l'admirer, l'objet. Il prononce objet, qui embellit l'endroit. Un troisième entre grillé me révèle peu à peu ses arcanes. D'abord, je ne devine qu'une forme confuse. Un homme de petite taille semble accroupi sur le sol. En regardant un peu plus longtemps, j'entrevois une casquette de jockey, des bottes et un pantalon réduit à l'état de dentelle. À présent, le pygmée se lève, fait deux ou trois pas sans se douter qu'on l'observe. Il porte un seau qu'il dépose à ses pieds et s'accroupit de nouveau, cette fois en bonne lumière. Armé d'une petite pelle à feu, il extrait du seau des ordures. Je suis forcé de m'éloigner sans toutefois le perdre de vue. Le pseudo-jockey lâche sa pelle et, de ses mains velues, confectionne de petits gâteaux, plus ou moins semblables à ceux que fabrique, avec le sable des plages mondaines, de très jeunes bourgeois déguisés en marins. Puis il se prosterne devant ses œuvres et paraît dévotement les adorer. Oh, Pygmalion ! Mais nous avons le tort d'échanger quelques mots, Léonard et moi. Le jockey artiste se jette sur les barreaux d'un seul bond, comme un macaque de jardin zoologique désireux d'agripper ses visiteurs. Après quoi, il se pend par les jarrets à une traverse de la grille, dégringole sans se faire de mal, puis veut, à toute force, passer sa tête hors de sa cage. Il souffle, siffle et crachote comme un chat qui jure. Oh, cette moustache en brosse à ongles, ses sourcils, ses yeux à la fois méchants et hilares, mais ses bidômes! Oh, je tourne vite les talons. J'ai bien haï le nabot, mais ce que je viens de voir est trop horrible. Comment ai-je eu l'affreux courage ou l'abominable cruauté de me retourner? De me retourner pour regarder le hideux et pitoyable captif qui bondit comme un tigre et vocifère. Crapouillot, chenipardouilla! Les yeux injectés au point de paraître sanglants, la face tuméfiée, la crinière hérissée. Tout à coup, il se lance en avant et se cogne le mufle contre les barreaux, se le cogne à se briser les dents. Je cours de toutes mes forces. Oui, comment ai-je pu me retourner? Ah, c'est que Khmoroun vient de rentrer en moi et rit effroyablement à me faire mal. C'est fini, j'échapperai d'ici dès que je le pourrai. Demain, dès que je serai un peu moins malade d'épouvante. Je sais comment m'y prendre, ce sera très simple. Pour l'instant, il me faut me cacher n'importe où, sous des meubles, sous des couvertures, être dans le noir, ne voir plus rien. Même enfant, je n'ai jamais connu terreur pareille.